Chapitre 4. Cabanon et chalet. Monsieur Combes possédait à un degré éminent le sentiment de sa position sociale. Il n'était pas de ces gens qui représentent l'amour avec un niveau en guise de sceptre, qui acceptent des fers forgés par la main de leur cuisinière. Fi donc, il n'en eût pas voulu quand bien même cette main eût été celle des grâces. Il n'était pas même de ceux qui pensent que lorsque la porte est close, le cou vermis, le vin tiré, il n'y a que le diable qui s'inquiète de la place où l'on a mis Babet. Il avait embrassé le sexe féminin dans une universelle aversion. Millette avait constitué la seule exception qu'il eût faite à cette manière de voir. Il s'en étonnait trop pour ne pas conserver son sang-froid, pour ne pas demeurer avec sa raison saine et complète dans les moments même où le roi des dieux perdait la sienne. Si le chant de celle-ci avait eu sur lui cette influence fécondatrice d'un soleil printanier sur la nature, elle n'allait pas jusqu'à lui faire oublier le décorum, la solennité des gestes et de langage qui conviennent à un maître vis-à-vis de sa domestique. Et maintes fois, au moment précis où l'effervescence des sens devait lui faire oublier qu'il eût jamais existé entre eux une distance, la dignité de M. Combes protestait par quelques paroles graves, par quelques recommandations fortement motivées sur les soins du ménage qui devaient rappeler à la jeune femme que jamais, quoi qu'il en semblât, son maître ne se déciderait à voir en elle autre chose qu'une servante. La passion ne joue pas toujours dans les rapprochements des deux sexes un rôle aussi essentiel qu'il le semble. 1000 sentiments divers peuvent amener une femme à se donner à un homme. Millette avait cédé à M. Combes parce qu'elle éprouvait pour les services qu'il lui avait rendus une gratitude exagérée. Parce que le maître portefait, honnête, rangé, heureux, arrivant à la fortune avec une fermeté d'idées peu commune, trouvait en elle une admiratrice convaincue. La tête vulgaire du propriétaire du cabanon de Montredon était à ses yeux entourée d'une auréole. Elle le considérait comme un demi-dieu, l'écoutait respectueusement, partageait ses engouements et était arrivée à sa remorque à trouver à sa bicoque des proportions véritablement olympiennes. Quoique M. Combes eût demandé au dévouement de la pauvre femme, il n'eût jamais laissé échapper l'occasion de se manifester, la conviction de son infériorité lui faisait considérer tout refus comme impossible. Aussi, n'ayant jamais caressé de chimériques espérances, elle n'en connut pas la déception. Partant, point d'humiliation. Elle accepta sa position telle que la lui faisait son maître, avec une sorte de résignation tendre et reconnaissante. Les années s'écoulèrent ainsi, empilant écu sur écu dans le coffre-fort du maître portefaix, entassant couffin de terreau sur couffin de fumier dans le jardinet de Montredon. Mais leur destinée était différente. Tandis que le mistral éparpillait terreau et fumier, les écus demeuraient, s'arrondissaient, produisaient. Ils produisaient si bien qu'après une quinzaine d'années, M. Combes éprouva des défaillances le lundi de chaque semaine, lorsqu'il lui fallait quitter Montredon, son figuier, ses légumes et ses lignes, pour regagner son étroit appartement de la rue de la Darse, et que ses crises hebdomadaires devinrent de semaine en semaine plus violentes. L'amour du cabanon et l'amour des richesses luttèrent quelque temps dans son cœur. Dieu lui-même ne dédaigna pas d'agir sur M. Combes dans la cause en litige. En l'an de grâce 1845, il enchaîna l'ennemi particulier de celui-ci dans les retraites caverneuses du Mont Ventoux et il nous envoya un été doux et humide. Les sables de Montredon firent merveille pour la première fois depuis que le maître portefait possédait sa villa. Les salades ne séchèrent pas dans leurs maillots, les fèves poussèrent rapidement, les tiges frêles des tomates se courbèrent sous les régimes de leurs pommes côtelées. Et un samedi soir, en arrivant à son jardin, Monsieur Combes, dont la surprise égalait le bonheur, compta 277 fleurs dans un carré de pois. Il s'attendait si peu à ce succès inespéré que de loin, il les avait prises pour des papillons. Cet événement triompha de toutes ses résistances. Du moment où une fleur s'ouvrait dans le jardin de Monsieur Combes, il eût été indécent qu'il n'assistât pas à son épanouissement. Il céda sa charge, réalisa et plaça son petit avoir, sous-loua son appartement et s'établit définitivement à Montredon. Miette ne vit pas d'un très bon œil ce changement de résidence. En nous appesantissant, outre mesure, sur les faits et gestes du propriétaire du cabanon, nous avons un peu négligé un personnage qui doit jouer un certain rôle dans ce récit. Il est vrai que pendant les 17 ans que nous venons de franchir, l'existence de ce personnage n'eût offert qu'un médiocre intérêt à nos lecteurs. Nous voulons parler de l'enfant de Miette et de Pierre Manas. Il s'appelait Marius, comme bon nombre de Marseillais. C'est ainsi que la reconnaissance des habitants de la vieille Marseille perpétue le souvenir du héros qui délivra leur pays de l'invasion des Cimbres. Touchant exemple qui les recommande encore à l'admiration de ceux qu'ils nomment les Français. Il s'appelait donc Marius. À l'époque où nous voilà parvenus, c'était dans toute la force du mot un beau garçon. Un de ces jeunes gens que les femmes ne rencontrent pas sans redresser la tête, comme un cheval au bruit de la trompette. Nous laisserons nos lectrices se tracer elles-mêmes le portrait de Marius à leur guise, en suivant leur goût particulier, en leur demandant d'avance pardon si dans la suite de cette narration, la vérité nous oblige à contrarier des prédilections auxquelles nous cherchons à complaire en ce moment. La pauvre Miette adorait son enfant. Elle avait pour cela une foule de raisons, dont la meilleure était que, si naturel que fût ce sentiment, elle se trouvait forcée de le contraindre. Sans éprouver d'aversion pour Marius, Monsieur Combes ne l'aimait point. Il était parfaitement incapable d'apprécier les joies de la maternité, mais il chiffrait trop bien pour ne pas en mesurer les charges. Miette sacrifiait pour l'éducation de son enfant les modestes gages que Monsieur Combes lui soldait aussi strictement que si son chant ne l'eût pas enthousiasmé quelquefois. Et Monsieur Combes plaignait la pauvre femme, déplorait les sacrifices qu'elle était obligée de s'imposer pour laisser apprendre l'ABC à ce petit drôle, et les allégeait généreusement par l'économique compassion qu'il lui témoignait, compassion qui ne s'exprimait pas seulement en condoléances, mais encore en rebuffade à l'adresse du petit garçon. Lorsque ce dernier eut grandi, ce fut bien une autre affaire. Monsieur Combes avait inventé pour sa consolation personnelle un axiome que nous recommandons à tous ceux que la sincérité du miroir désoblige. Il prétendait qu'un joli garçon est nécessairement un mauvais sujet, et Marius devenait décidément un joli garçon. Le sourcil de Monsieur Combes se fronça de plus en plus en le regardant. Il gourmanda Miette de ce qu'elle montrait une tendresse folle pour son enfant, prétendant que son engouement pour lui la détournait de ses devoirs domestiques. Il se plaignait à plusieurs reprises de la négligence qu'elle avait apportée, disait-il, à la confection de quelques plats, l'attribua aux distractions que lui causait celui que, par anticipation, il nommait le garnement. Et en même temps, dans sa logique, il exerça une surveillance de tous les instants sur sa bourse. Il croyait impossible qu'avec des yeux comme ceux qu'il possédait, ce jeune homme ne la lui dérobât pas quelques jours. Il résultait de ces dispositions de Monsieur Combes que Miette était obligée de se cacher pour embrasser son enfant. Celui-ci ne paraissait point s'en apercevoir. Il avait dans l'âme la noblesse innée, l'élévation de sentiment qui caractérisait sa mère. Miette lui avait laissé ignorer le passé. Elle ne lui avait rien raconté de sa triste histoire. Mais sans cesse, elle lui répétait qu'il devait aimer et vénérer celui qu'elle ne nommait jamais autrement que leur bienfaiteur. Et l'enfant s'était efforcé de manifester la reconnaissance qui débordait de son cœur et qu'il eût éprouvé quand bien même M. Combes n'y eut d'autre titre que l'affection qu'il avait su inspirer à une mère que Marius chérissait si tendrement. En grandissant, Marius, s'il continua de se montrer plein de soins et d'attention vis-à-vis de M. Combes, y joignit encore une patience sans bornes et toute pleine de respect. Il était évident que dans sa perspicacité, le jeune homme croyait avoir deviné que des liens plus réels que ceux du bienfait existaient entre le maître portefaix et lui. Ce qui avait pu le confirmer dans cette croyance, c'était que, s'étant peu à peu habitué à appeler M. Combes son père, celui-ci ne s'y était point opposé. Lorsque M. Combes quitta Marseille pour Montredon, il y avait un an que le fils de Miette était entré comme commis subalterne dans une maison de commerce. Chaque soir, il s'échappait pour aller embrasser sa mère. C'était ce baiser du soir qu'elle allait perdre qui inspirait à Miette les regrets que semblait lui causer la ville. Elle fut si triste que M. Combes s'en aperçut. Il était si joyeux de triompher sur toute la ligne, de voir réduit au silence les mauvais plaisants qui avaient prétendu que pour avoir des arbres dans son jardin, il serait forcé d'emprunter des décors au grand théâtre, qu'il ne voulut pas que le visage de Miette fît tache dans son bonheur. Il lui permit, en conséquence, de faire venir son fils tous les dimanches.